Mes chers frères, nous sommes réunis dans cette église. Un peu de spiritualité vous fera du bien. Car vous êtes tous pécheurs. Mr. Nacho. Je comprends. Yes. Là, il y a le bon sens. Il assure. C'est quoi ce Century là? Il est beau. C'est quoi ça? C'est quoi ton matos? Ouais, ben là. T'as pas perdu 3 mois parce qu'il est vraiment beau. moi je vais aller manger. Ah ouais, guitare rig, ouais, je l'ai ça. Ah mais c'est bien ici ce truc, hein, guitare rig. Tu peux choisir tout ce que tu veux, les envies, toi. Ah oui. Il y a un pédalier avec ça, non? Il y avait un pédalier. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est quoi que j'avais essayé? Moi, il y avait un soft. C'était 3 amplis de guitare. Je sais pas comment ça s'appelait. Un Fender, un Vox et un Marshall. We'll be right back. Il a sauté en parachute, notre monsieur, le fou là, qui est monté à 37 km d'altitude. Toi, par exemple, voilà, toi Philippe, ça me fait un délai. C'est vachement bien. Il y a combien de boîtes à rythme? Martin? Salut Nacho. Au revoir Nacho. Moi je vais y aller aussi, je suis fatigué. Je vais regarder ça ce soir, Phil. Bonne soirée. Good night everybody. Enfin good night, je sais pas si... Bonsoir à tous. À demain peut-être, enfin demain, ouais, demain soir peut-être. Je demain. Ah non, demain soir j'ai une répète.

Thank you. Thank you.